Un pauvre. Enfant, sois doux aux pauvres, il en est d'adorable, il en est de puissant sur leur trait misérable. Tel est celui qui monte attiré par ta voix, qui descend toujours humble et content quelquefois, selon nos jours à nous, vide, nourri d'attente, ou comblé de travail et de joie haletante. Dieu lui fait, m'a-t-il dit, de longues nuits sans peur, et sous un peu de paille, il a chaud dans son cœur. Le sommeil a pour lui des ailes toutes prêtes. C'est là qu'il allume et qu'il donne ses fêtes. Là qu'un ange vient à dire à ce pauvre à genoux, « Debout, debout, mon frère, et montez avec nous. Laissez-moi relever votre âme voyageuse, laver vos pieds durcis par l'argile fangeuse, rendre vos pas légers, puisqu'ils sont sans remords, et délier vos bras pour les tendre à la mort. Ayez foi dans la mort, cette cueilleuse dame. Ne les moissonne pas pour en tuer les flammes, mais pour les délivrer de leurs lourds vêtements, comme on ôte le sable ou d'or le diamant. Dans votre épreuve solitaire, ne demandez pas le bonheur, sa semence est dans votre cœur, il n'éclora pas sur la terre. Si la terre en poussait les fleurs, voyez qu'elles n'ont qu'une aurore, et qu'elles laisseraient encore leurs épines dans vos douleurs. Mais ce fruit couvé par votre âme naîtra plus haut mûr et vermeil, fait d'une impérissable flamme, comme un rubis sous le soleil. Le bonheur, c'est l'amour sans larmes, c'est la liberté sans effroi, sans prison, sans haine, sans armes, et les mondes roulant sans roi. Bénissez donc vos pleurs dont l'intérêt s'amasse, Dieu compte avec la terre où l'ombre règne, il passe. Et l'éternité s'ouvre aux mots, pardon, amour, montez, et l'indigent monte à Dieu jusqu'au jour. Quand ce beau rêve a fui, quand la faim le réveille, s'il tombe en soupirant du ciel où l'on sommeille, il reprend son fardeau plus léger, lui plus fort, et gravit patient les affronts de son sort. Ce pauvre est plus qu'un pauvre, une telle indigence, puisque Dieu la permet, ouvre l'intelligence. Dieu voilé parle de lui. Souvent ces vieux lambeaux m'ont paru lumineux, comme si de flambeaux, comme si des rayons d'une auréole sainte, sa tête blanchissante et paisible était sainte. Ce pauvre est plus qu'un pauvre, enfant, sois doux pour lui. Comme tu fus hier, s'il revient aujourd'hui.